atomique, c'est la même. C'est la même, c'est la même. Millésime, c'est la même. C'est la même, c'est la même. LIK, c'est la même. C'est la même, c'est la même. LVV, c'est la même. Quoi qu'il se passe, on veut tous briller. Mais le destin nous a mal aiguillés. Fuck les larmes qu'on a essuyées. La vie s'échelle, même déshabillée. Portrait noirci sur nos papiers. Les mêmes récits photocopiés. Nos rêves de gosses se sont fait piller. Comme d'hab, la poisse nous colle au billet. Sous mon matelas, toujours pas d'oseille. C'est peut-être pour ça que je trouve pas le sommeil. Les nuits blanches ici ne partent pas conseil. Proche des démons, mais loin des merveilles. Quand le désespoir s'attaque à nos poches, on pète les plombs, ça fait mal aux proches. Même si nos points de suture s'effilochent, c'est juste l'honneur qui fait qu'on s'accroche. Punchline et flow pour m'a déprimé. Je me dois faire du sale pour les terminé. Depuis mes débuts, je reste déterminé. J'avance dans le rap sur des terminés. Frère, les coups bas, on connaît par cœur. Cette pute de chance nous fait pas de faveur. Que je vois le quotidien, j'ai envie d'ailleurs. Besoin d'évasion, vu que l'avenir fait peur. Nos vies se résument, le temps d'un 16. Rap pas le verbal, c'est ça les dièses. Te plaît, va dire au futur qu'on le baisse. Car si Dieu veut, bientôt on pèse. On gratte pour consoler nos peines. Faire du gros son, c'est ça que l'on aime. Qu'importe les rages, on la haine. Qui kiffe ou pas, c'est la même. C'est la même, c'est la même. Proche de la mer, loin de la mer. C'est la même, c'est la même. Envie de ken des mères, c'est la même, c'est la même. Ici le constat reste amer, c'est la même, c'est la même. Le ciel n'entend pas nos prières, c'est la même, c'est la même. Proche de la mer, loin de la mer, c'est la même, c'est la même. Toujours envie de ken des mères, c'est la même, c'est la même. Ici le constat reste amer, c'est la même, c'est la même. Le ciel n'entend pas nos prières. Viens faire un tour sur mon site web, histoire que tu te mettes à la page. Chez moi y'a pas de mer, y'a qu'à l'arrière de la voiture que je vois la plage. Si je fais un feat, c'est pas pour rien, c'est que le mec je le connais. J'aime pas mélanger le cheval galopant avec le poney. Faut faire du bif, c'est le topo. Mes hate mettent au tapis, je rappe la rue sur le tempo. Et si t'aimes pas tant pis, oui tandis que je kique. Ces fils de pas de vendetta veut pas faire comme les moutons. Mais achète tout ce que vend Greta, c'est pas logique. Mais qu'il est dans ton entourage, y'a beaucoup de tasses qui m'encouragent. Mais là ce fort vient pas de là. Y'a beaucoup de tasses, ouais, je suis pas sage. J'suis na oui, j'suis que de passage. Sur cette terre comme Mandela, charge les kills dans le Passat. C'est la même dans tous les ghettos de France. Les raves vendent des lamelles. On rêve tous de viser la lune, on rêve tous de picher le ciel. Le pied sur la dune, en manque de thunes, mais pas d'inspiration. J'suis toujours le même, l'odeur de la beuh et ma transpiration. C'est la même, c'est la même. Proche de la mer, loin de la mer. C'est la même, c'est la même. Toujours envie de ken des mères. C'est la même, c'est la même. Ici le constat reste amer. C'est la même, c'est la même. Le ciel n'entend pas nos prières, c'est la même, c'est la même. Proche de la mer, loin de la mer. C'est la même, c'est la même. Toujours envie de ken des mères. C'est la même, c'est la même. Ici le constat reste amer. C'est la même, c'est la même. Le ciel n'entend pas nos prières.